11 février, Danny Veilleux, le butin de sport local et régional. On va ouvrir le butin de sport local et régional d'abord en parlant des Saguenay de Chicoutimi. Saguenay qui ont perdu 2-0 contre les Tigres de Victoriaville en fin de semaine. Les Marquis de Jonquière ont perdu à deux reprises contre Thetford Mines, défaite de 3-2. Danick Paquette et Jonathan Ismaël Diaby ont marqué les buts. Et dimanche, Thetford a gagné 5-4 contre les Marquis. Mathieu Brisebois a compté un but, deux passes. Gabriel Paquin-Boudreau, un but de passe. De même que Christian Ouellette qui a un but, une passe. Deux passes pour Jonathan Ismaël Diaby. Ligue du Lac au Fleuve, deux matchs pour le multiconcessionnaire au cours du week-end. Défaite de 6-3 contre les MJR Express de Ville de Saguenay. Ça se passait vendredi. Dans le match, Jean-Philippe Pellicelli, Mathieu Michaud et Guillaume Lagarde ont compté les buts. Et samedi, victoire du multiconcessionnaire 11-4 sur les excavations à savoir de la Côte-Nord. Dans le match, Simon Tremblay, deux buts, deux passes. Deux buts, une passe pour Jean-Philippe Pellicelli. Jean-Bernard Gagnon avec deux. Il y a Michael Drolet qui a marqué un but et amassé trois passes. De même que Steven Girard qui a marqué un but et amassé deux passes. Maintenant, fiche de 500 pour les éperviers de Normandin. Vendredi soir au Centre sportif de Normandin, gain des éperviers 10-5 sur les Sabres de Robert Val. Charles Tremblay a été le meilleur attaquant de l'équipe avec une production de 2 buts, 2 passes. David Gagnon avec 2 buts, 1 passe. Yannick Tremblay, un but. Philippe Pelletier, un autre but. Philippe Leroyer et Jérémy Ossé ont aussi marqué. 3 passes pour Samuel Larouche. Et également, à noter que dans les autres matchs maintenant, les éperviers hier qui ont perdu 7-6 contre les Marquis de Jonquière. Vincent Bouchard, 2 buts, 2 passes. Yannick Tremblay, 1 but, 2 passes. Philippe Pelletier, 1 but, 1 passe. Il y a Samuel Larouche qui a aussi compté. Hier, gain des Sabres d'Orbeval, 7-4 contre les Aiglons d'Allemand. 3 buts, 1 passe pour Jesse Saint-Pierre. Simon Villeneuve, 1 but, 1 passe. Nicolas Clément, également 1 but, 1 passe. David Simard, 1 but et 3 passes aussi. Et 2 passes pour Vincent Blackburn. Le Marcos Pop de Saint-Félicien a emporté 11-1 sur les Basques de cette île. Ça se passait vendredi. Dans le match, à noter que Simon Dumas, 2 buts et 2 passes. Charles Morin, 2 buts. Marc-Alexandre Dallaire, 2 buts également. Il y a Joannick Chakaï qui a marqué un but et amassé 3 passes. De même que Vincent Gagnon qui lui a marqué un but et amassé 4 passes. Et il y a autre victoire cinglante du Marcos Pub, 8-1. Toujours contre ces mêmes Basques de cette île. 3 buts pour Marc-Alexandre Dallaire. 2 buts pour Simon Dumas. Il y a Joannick Chakaï qui a amassé 4 passes et 3 passes pour Vincent Gagnon. Les Castors de Delbeau, tant qu'à eux, ont perdu 5-0 contre les Marquis de Jonquière. Les Rapides de Delbeau-Mississinie étaient en action au cours de la fin de semaine. Et pour les Rapides, ça a été 2 victoires et 1 défaite. Maintenant, du côté des Aigles de Roberval, en cadette division 2, les Aigles de Roberval étaient en action. Et pour l'équipe qui est l'équipe dont Simon Gaudreau est un des responsables. Donc, la Cité étudiante qui a gagné 3-1 contre l'école secondaire Chanoine de Baudin. Maintenant, du côté de Benjamin, Division 1, à noter que dans le match que les Aigles de Roberval ont annulé contre le pavillon Wilbrod-Dufour 1-1. Et dans l'autre match qu'on surveillait également, toujours chez les Aigles, cette fois, ça a été une défaite de 2-1 contre l'école secondaire Chanoine-Baudin. Le sport local et régional, à donradiosport.com. On s'en occupe.